Vous cherchez un endroit rêvé pour vos vacances? Le site touristique Chute à l'ours de Normandin est l'endroit idéal. Situé en pleine nature, le site touristique Chute à l'ours offre des chalets et des chambres de motel. Pour réservation et information, chutealours.com ou 418-274-3411. Le site touristique Chute à l'ours est fier d'être un partenaire de premier plan de la classique de volleyball Family Prix Janie Larouche et vous invite à participer en grand nombre aux activités. La chronique de pêche de Claude Roy est une présentation de votre magasin Ferlac, qui est maintenant dépositaire de la marque Ecotone. Surveillez nos différents circulaires pour voir les différents spéciaux dans les articles de pêche, de chasse, ainsi que le plein air. Le magasin Ferlac, au 727 boulevard Vézina d'Olbeau-Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-3919. On va parler de pêche avec notre ami Claude Roy. Salut Claude. Bonjour, ça va bien? Ça va bien Claude. Hey Claude, avant de parler de pêche, on est des amateurs de politique. Moi, je suis un amateur de politique autant que du sport. Étant donné que c'est une radio sportive, j'en parle pas de politique, mais je vais en parler ce matin parce que Enrico Ciccoli, figure sportive très connue, ancien animateur de Radio 91.9, a décidé de se lancer en politique. Ça, c'est correct. Le hic, là, c'est que avant, c'est Yves-François Blanchette qui a dit ça hier au 98.5, avant de se lancer pour le Parti libéral, il a appelé la CAQ, puis lui, il voulait avoir un comté sûr, semble-t-il, puis la CAQ était pas capable d'y garantir, fait qu'il s'est tourné vers le Parti libéral. Question que j'ai envie de te poser là ce matin, ça existe-tu, puis tu as déjà été député, ça existe-tu encore des politiciens qui ont une conviction, qui ont une colonne vertébrale, qui vont pour les idées, puis que c'est, oh ben c'est le pied des opportunistes, des gens, les idées c'est pas grave, en autant qu'ils sont, qui ont une job, puis qui ont le gros fonds de pension. Tu sais ce que je veux dire? Oui, absolument. Mais écoute, t'as parfaitement raison. Il y a beaucoup de politiciens pendant la prochaine campagne électorale qui sont déjà catalogués comme des opportunistes politiques. La CAQ en a ramassé beaucoup, des anciens libéraux, des anciens péquistes. Ouais. D'abord, la CAQ, c'est un terreau fertile pour les anciens péquistes. Comme François Legault est un péquiste qui ne veut pas parler de fédéralisme, il veut bien parler de nationalisme. De l'autre côté, les libéraux l'attaquent sur ce côté-là parce qu'il dit, vous voyez, c'est toujours un fond de péquiste qui veut diviser ou qui veut faire une chicane avec le fédéral. Mais Chico, il ne faut pas s'en étonner. Il aurait voulu avoir un comté sûr, donc rentrer comme une balle juste sur l'élan de la CAQ et comme ça s'assurer d'avoir un poste de pouvoir auprès du gouvernement. Donc, le danger d'un gars comme Ciccone pour la CAQ, c'est que il dit, bon, ben là, j'ai tellement de nouvelles vedettes à la CAQ que je ne sais plus comment le ministère je vais être capable de donner. Là, je manque de limousines, puis peut-être je vais manquer de budget pour acheter des limousines. Donc, là, un nouveau gars comme tu connais, c'est sûr qu'il faut qu'il donne sport-loisir comme ambassadeur. Puis là, ben, il n'y avait pas de place pour lui. Et le poste était déjà probablement promis et offert à quelqu'un d'autre. Donc là, il a dit qu'il n'y avait pas un comté sûr, malgré qu'il n'aurait eu certainement des comtés sûrs. Il avait juste à sortir de Montréal. Si tu connais, veut absolument être à Montréal, c'est sûr que les libéraux vont y donner un comté. Westmont. Les boîtes à mal rouges, ou les boîtes à mal votent à Montréal. Ouais. Donc, un comté rouge. Fait comme ça, il va rentrer. Mais il reste qu'il va rentrer dans l'opposition. Donc, c'est pas mieux. Parce que tu connais, là, il va être complètement muselé. Il fera absolument rien. Il sera pas ministre de rien. Puis il va se ramasser avec un salaire de 80 000 par année pour être assis sur le banc de l'opposition. Je comprends pas le move d'un gars comme celui-là. Mais si c'est ça, c'est ça. Mais tu vois que le sport peut mener à n'importe quoi. Et si tu veux absolument t'instaurer dans un fauteuil comme celui-là, ben tu connais, il n'a pas réussi. Il n'a pas pensé à son affaire parce que les libéraux ne passeront pas. C'est le CAQ qui va passer, mais tu connais, va être assis sur le banc de l'opposition. Ça, je suis pas sûr, Claude, mais étant donné, parce que les libéraux, ils ont une machine électorale que la CAQ n'ont pas, puis la CAQ, ils n'ont pas été attaqués encore, là. Non, je comprends, sauf que les libéraux, là, les gens sont écœurés d'une façon massive. À Montréal, ça va encore passer dans certains coins de Montréal. Le PQ va continuer de ramasser. Québec solidaire va ramasser quelques comtés. Puis dans l'ensemble, il faut s'attendre à moins que Legault fasse des gaffes monumentales dans le dernier mois. Mais ça s'annonce que tous les revirements que les libéraux causent présentement... ça les cale davantage. Donc, moi, je ne crois pas que les libéraux vont passer. Mais tu connais, il va faire ça pour rien parce qu'il va se ramasser avec un salaire de 80 000 par année. Moi, dire, en effet, je suis très déçu de lui parce que je m'attendais, je pensais que c'était un homme de conviction, beaucoup plus de valeur que ça. Puis je me demande, ça existe-tu encore? Ben là, on le voit, là. C'est de moins en moins. Ça existe. Ça existe. Moi, je calcule que ça existe de moins en moins. Ouais. C'est toujours la politique, c'est toujours quelque chose qui, où les gens veulent aller chercher du pouvoir et non pas de devoir, alors que un homme politique, les hommes politiques qu'on avait à l'époque, t'es trop jeune, tu t'en rappelles pas, mais des Raoul Cahouette de ce monde qui avait le Québec à fleur de peau, qui avait le Québec tatoué dans le cœur et qui se battait pour le Québec, il y en a plus. Aujourd'hui, on se bat pour les amis, on se bat pour les petits copains, on se bat pour les privilèges, on se bat pour les passe-droits. Et la politique s'est rendue sale, même si on veut être très optimiste face à la politique, je ne le suis pas du tout. Ouais. Je continue de dire que la politique, c'est comme ça, puis Chicone vient nous en donner la preuve. Ah, regarde, je suis très, très déçu. On va parler maintenant de pêche. Il y a une bonne année de saumon. C'était pas ça le sujet, mais j'ai vu ça ce matin. T'es-tu surpris? On dit qu'on a une bonne année? Ben, c'est-à-dire que, tu sais, il y a un cycle, les pêcheurs de saumon vont vous le dire, il y a un cycle d'à peu près 7 ans. Où le saumon sort des rivières, s'en va s'alimenter sur les bancs de Terre-Neuve, indépendamment de la présence des phoques là-bas et de la nourriture qui est prédominante. Mm. On a des cycles d'à peu près 7 ans où on a des vaches maigres, des années de vaches maigres, des années de vaches grasses. Cette année, il me semble que c'est parce que tout moi aussi, mon Facebook est inondé de copains qui ont pris des saumons un peu partout, qui ont été chanceux, malgré la canicule qu'on a, malgré les grandes chaleurs et les changements de climat, avec des hauts et des bas au niveau de la pression atmosphérique, qui affecte moins le saumon, entre parenthèses, parce que le saumon ne vit pas dans des grandes profondeurs. Il est obligé de vivre avec les rivières. Les rivières restent tout de même assez fraîches. Ils viennent pas aussi chaudes qu'un lac parce qu'il y a du mouvement. Donc, la montaison de saumon, ça fait bien. Et je suis un peu étonné du nombre de gros saumons qui est pris. Mais l'avantage, c'est que les gros saumons, il faut qu'on les remette à l'eau. Les pêcheurs de saumon sont des gens qui sont très consciencieux de l'environnement. Ils remettent tous les gros géniteurs à l'eau, donc ça fera pas mal pour les années à venir, mais je suis content cette année que les gens prennent beaucoup de saumon. OK. On va parler de fils de pêche, que j'ai compris. Ouais. OK, donc parle-moi de ça. Oui. Ben écoute, les fils de pêche, il y a deux grands types. On a toujours connu, tous les pêcheurs ont connu le monofilament conventionnel qu'on a présentement, qu'on a toujours présentement. Mm. Et quand les compagnies sont arrivées avec des monofilaments qu'on dit tissés, en anglais, c'est braided, mais en français, c'est monofilament tissé. C'est le tissage de plusieurs brins de fils ensemble, comme du tissu. Et ça fait des monofilaments ou des fils de pêche qui sont excessivement résistants, qui ne vrillent plus ou presque pas, et qui durent beaucoup plus longtemps qu'un monofilament conventionnel. Mais il faut faire attention parce que dès qu'on remarque un peu de blanchiment, le fil est gris, vert, ou bleu ou jaune, peu importe, et dès qu'on s'aperçoit qu'il y a un léger blanchiment de la fibre, c'est parce qu'elle a été accrochée ou usée dans les roches, il faut tout de suite couper ce bout-là pour le remplacer par un autre. Moi, j'aime pas ça parce que les cannes à pêche étaient bâties pour avoir un point de rupture. Mm. Quand il dit que la canne est faite pour du monofilament de 6 à 12 livres, ben le monofilament, si tu mettais du 15 livres dedans, ben tu avais la chance de casser la canne avant le monofilament. Alors que là, les monofilaments tissés, c'est la grandeur d'un 10 livres, la résistance d'un 50 livres, et les manufacturiers de canne à pêche n'avaient pas anticipé d'avoir une si grande tension sur leur canne. Donc, au début, il y a eu beaucoup plus de ruptures. Là, maintenant, les gens sont habitués, laissent aller le fil, enlèvent de la tension sur les moulinets, puis permettent aux poissons d'avoir un plus grand combat. Mais ces lignes-là, dans l'eau, sont visibles. Donc, quand on va pêcher le doré, par exemple, il va falloir qu'on mette à la fin de notre fil tissé, une dizaine de pieds de monofilament clair afin que le doré ne voit pas les leurres. Et ça, c'est important. Okay. On ne met pas de fil tissé jusqu'aux leurres à doré parce que le doré va le voir. C'est pas invisible dans l'eau. Maintenant, ce qu'ils ont sorti dernièrement, depuis quelques années, ça s'appelle du fluocarbone. Et le fluocarbone est invisible dans l'eau, résistant, très, très souple. Et on va se servir du fluocarbone comme ligne de pointe, ce qu'on appelle un tip. On va juste mettre monofilament et du monofilament de carbone vers la fin, toujours un 8-10 pieds. Ça va éviter que le poisson voit le poisson. Donc, la différence entre les deux lignes, c'est ça. Le monofilament conventionnel, qui va avoir plus tendance à vriller si on ne le change pas assez régulièrement et si on ne met pas des bons émerillons. Et les monofilaments de type tissé, ou en anglais « braided », qui sont des monofilaments ultra résistants, qui durent avec le temps, qui perdurent, qui vrillent moins, mais qui sont beaucoup plus chers à l'achat. OK, OK. Donc, évidemment, c'est très important pour ça. Claude, ouais, c'est les deux grandes qualités. On s'en reparle la semaine prochaine? Parfait, merci beaucoup. Voilà, Claude Roy, la spécialiste de